ressemble. À jouer du piano. Et jouer du piano comme un pied, c'était peut-être un détail pour vous. Ça commençait à faire chier. Je comprends rien du tout là. Ça sature là. Essayer de trouver une drum. le son là. Thank you.